We'll be right back. Ouais, salut à tous. J'espère qu'on m'entend. Décibels. Voilà. Je crois que c'est un peu trop fort. Ça va mieux là? Attends, là. Je crois que c'est bon. M'entendez là? Salut! Ouais, le feedback plus. Hein. J'ai enlevé le mode boomerang. Thank you. That's a